Salut à toutes et à tous, Emmanuel Fitou pour la Semaine culturelle, qui est le nouvel agenda culturel radiophonique de Radio Montmirail. Je vous rappelle le principe, chaque samedi, nous vous présentons un événement par jour de la semaine suivante, et aujourd'hui, c'est l'agenda culturel, donc de la semaine du 6 novembre 2017. Lundi 6 novembre 2017. Pour commencer en beauté notre semaine culturelle, on va retrouver le théâtre Le Hangar, place Saint-Pierre, place qui est bien connue des étudiants toulousains, et ça sera plus précisément sous le chapiteau de l'Agite Théâtre. À partir de 19h, il vous sera proposé un mélange des sens avec des projections d'œuvres d'art et des lectures de textes associés à l'interprétation qui est faite de cette œuvre. Cet événement vous est proposé par l'équipe du théâtre Le Hangar, et ça s'appelle Histoire d'art 6, lecture et projection autour d'œuvres d'art. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du théâtre Le Hangar, www.lehangar.org. Mardi 7 novembre 2017. Le mardi, on partira faire un tour du côté du théâtre Sorano pour la première du spectacle La mort de Tintagile de l'auteur symboliste Maurice Maeterlinck. Maeterlinck a été prix Nobel de littérature en 1911 et a écrit entre autres Péléas et Mélisandre en 1892, L'oiseau bleu en 1908 et le sublime essai La vie des abeilles en 1901 qui décrit à merveille la vie de ces petites ouvrières grâce à qui on peut déguster un fabuleux miel. La pièce est une création de la compagnie toulousaine L'An 1 et est mise en scène par Johan Bré, qui, au travers de ce projet, poursuit son travail sur la thématique de l'enfance sacrifiée. Je vais maintenant vous lire la description de ce projet, afin que vous puissiez en avoir un bref aperçu. La mort de Tintagile ressemble à un conte pour enfants. Deux sœurs, Ygraine et Bélangère, vivent sur une île avec leur vieux serviteur Aglovale. Désolé, je cafouille un petit peu sur les noms des personnages qui sont pour le moins originaux. Le retour de Tintagile, le petit frère, rallume leur espoir. Dans la tour du château habite la tyrannique et invisible reine dévoreuse d'âmes. Parviendra-t-elle à éliminer le jeune héritier que ses deux grandes sœurs vont courageusement tenter de protéger ? Je ne peux donc que vous inviter à aller voir cette pièce le mardi 7 novembre à 20h30 au théâtre Sorano. Cependant, si vous n'avez pas le temps de vous y rendre ce soir-là, ça se joue également les 8 et 9 novembre, toujours à 20h30. Pour les informations, direction le site du théâtre Sorano, www.theatre-sorano.fr, sans majuscule, sans accent, tout attaché évidemment. Et je vous invite également à consulter le site de la compagnie L'An 1, dont le travail est très intéressant, et pour ça c'est www.cielan01.fr, et vous pouvez également les retrouver sur Facebook. Mercredi 8 novembre 2017. Le mercredi, nous revenons à la cave Poésie pour une soirée impro-théâtrale à partir de 20h30. Le collectif Hortense vous proposera une soirée qui s'intitule Variation 1, le retour des marronniers, qui mélangera improvisation théâtrale et improvisation musicale. Donc, que dire de plus ? Pas grand-chose, puisqu'il s'agit d'un spectacle d'improvisation, donc on ne sait pas trop ce qui s'y passe à part le jour J. Je peux cependant vous préciser que vous pouvez retrouver le collectif Hortense tout au long de l'année à la cave Poésie, les 8 et 9 novembre pour le même spectacle, puis les 28 février et 1er mars avec la seconde variation qui s'intitulera « Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre ». Et enfin en mai avec la troisième variation « Il est interdit d'interdire d'interdire ». Non, promis, il n'y a pas d'erreur, c'est bien « Il est interdit d'interdire d'interdire ». Pour les infos, ça se passe sur le site de la cave Poésie, www.cave-poesie.com et sur la page Facebook du collectif Hortense. A noter également que le collectif propose des stages de théâtre à la cave Poésie tout au long de l'année. Jeudi 9 novembre 2017. Vous aussi, vous en avez marre de la publicité abusive. Enfin non, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter. Quoi qu'il en soit, si tel est le cas, rendez-vous au théâtre du Pavé à 20h30 pour découvrir la première de Gustave n'est pas moderne. Cette pièce d'Armando Llamas nous raconte l'histoire de Bouvard et Pénuchet qui se retirent à la campagne, loin, je cite, de la culture superficielle et consensuelle qui tourne en rond, dominé et dévoyé par l'esprit publicitaire. On notera la ressemblance avec les célèbres duettistes de Flaubert. Vous pourrez également voir et revoir cette pièce au Théâtre du Pavé jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Théâtre du Pavé, www.théâtredupavé.org, toujours pas de majuscule et toujours pas d'accent et toujours tout attaché. Une pièce qui, pour ma part, m'intrigue et colle fortement à notre époque. Vendredi 10 novembre 2017. Vendredi, place à un spectacle de cirque dramatico-poétique aéro-burlesque. La compagnie alésienne Yeuz, Y-E-U-Z-Z, vous propose le spectacle BAW, B-A-W. J'espère que c'est bien comme ça que ça se prononce, et ça se passe au Centre culturel des Mazades à 20h30. Il s'agit donc d'un spectacle de cirque, me semble-t-il, qui ajoute la thématique du handicap. Deux corps vont se rencontrer et se mêler dans des acrobaties et voltiges aériennes. Ce spectacle vous est proposé dans le cadre de Ville et Handicap 2017. Pour vous préciser un petit peu, ce sont des rencontres annuelles organisées par la ville de Toulouse. Et cette année, le thème central est « Ensemble, écrivons notre histoire ». Et ça se déroule du 8 novembre au 2 décembre. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la mairie de Toulouse, www.toulouse.fr. Espérons donc que ce spectacle et ses rencontres annuelles réuniront beaucoup de monde. Samedi 11 novembre 2017. À 20h30, un hommage musico-théâtral à Barbara du côté du théâtre du Chien Blanc avec le spectacle Les Barbarettes, Barbara façon barbaroque, de la compagnie Les Amis de Monsieur. Venez redécouvrir le répertoire de Barbara à trois voix avec des chansons comme Du bout des lèvres, Si la photo est bonne, Göttingen et plein d'autres. Comme le dit le descriptif, entre les triplettes de Belleville et les frères Jacques, tout en poésie et fantaisie, trois femmes s'inspirent, disent et chantent Barbara façon barbaroque. Alors je précise que barbaroque, ce n'est pas le mélange de Barbara et de rock, le style musical, mais plutôt, il me semble, le mélange de Barbara et de baroque. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être tout à fait franc, je ne le sais pas. Donc je pense qu'il serait bon d'aller voir ce spectacle afin d'en savoir un petit peu plus. Si vous ne pouvez pas assister à cette représentation, vous pouvez voir le spectacle du 9 au 11 novembre et du 16 au 18 novembre au Théâtre du Chien Blanc, toujours à 20h30. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Théâtre du Chien Blanc, www.théâtreduchienblanc.fr. Ce spectacle vous est également proposé dans le cadre du Festival des Théâtres près de chez vous. Dimanche 12 novembre 2017. Finissons la semaine avec un autre hommage à un des plus grands représentants de la chanson française, à savoir Jean Ferrat, qui nous a quittés il y a 7 ans. Ça se passera donc au Théâtre de la Violette à 18h. Vous voyez, je pense à vous, je sais que vous travaillez le lendemain, donc je vous ai choisi un spectacle qui commence et se termine tôt. Ce spectacle simplement intitulé « Hommage à Jean Ferrat » vous est proposé par la compagnie à tout bout de champ. Et comme pour Barbara, il s'agit d'un spectacle musical théâtralisé à trois voix et un piano. Ce spectacle d'1h15 environ est également programmé au Théâtre de la Violette vendredi et samedi 11... vendredi 10 novembre et samedi 11 novembre, excusez-moi, à 21h. Je vous invite donc à consulter le site du Théâtre de la Violette, www.théâtredelaviolette.com, afin d'avoir plus d'informations sur ce spectacle et pour pouvoir réserver et, bien entendu, pour consulter la programmation très riche et très variée de ce sympathique théâtre toulousain. Pour clôturer cette semaine culturelle, nous allons écouter un autre très grand nom de la chanson française, Alain Bachung, qui nous a quittés presque un an jour pour jour avant Jean Ferrat. Promis, après, j'arrête la rubrique nécrologique. Je peux vous dire que, pour ma part, en tout cas, 9 ans après avoir vu en concert Alain Bachung à la Médoquine à Bordeaux, il y a des images qui me restent en mémoire et un timbre de voix très particulier de ce chanteur absolument exceptionnel. Nous allons donc nous écouter App, qui me tient particulièrement à cœur puisque cette chanson est à l'origine du nom de ma compagnie théâtrale. Cette chanson est sortie sur l'album Osez Joséphine, paru en 1991. Bonne écoute à vous et à samedi prochain pour une nouvelle semaine culturelle. Tu vois ce qu'on voit qui s'ébranle Non, tu vois pas. Tu n'es pas dans l'angle, pas dans le triangle. Comme quand tu faisais du zèle, comme quand je te volais dans les plumes, entre les dunes, par la porte entrebâillée, je te vois rêver à des ébats qui me blessent, à des ébats qui ne cessent. Peu à peu, tout me happe. Je me dérobe, je me détache, sans laisser d'auréole. Les cymbales, les symboles collent, on se rappelle, on se raccole. Peu à peu, tout me happe. Vent de l'orgueil, peu apaisé, peu apaisé. Une poussière dans l'œil, et le monde entier soudain se trouble. Comme quand tu faisais du zèle, comme quand je te volais dans les plumes, entre les dunes. Porte entrebâillée, je te vois pleurer, des romans fleuves séchés, où jadis on nage. Peu à peu, tout me happe. Je me dérobe, je me détache, sans laisser d'auréole. Les cymbales, les symboles collent, on se rappelle, on se raccole. Peu à peu, tu me happes. Tu vois ce qu'on voit qui s'ébranle? Non, tu vois pas.